Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique dédiée aux arts visuels, produite, enregistrée et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1 sur le territoire non cédé du Nyon-Wensio, aussi appelé Québec. Christelle Tremblay à l'animation, accompagnée de Mathilde Harvey-Morin à la console, au montage, aux communications sur les plateformes et ce soir à la chronique. Bonsoir Mathilde! Allô Christelle! Ça va? Oui, super! Toi? Oui, mais j'espère surtout que toi, t'es en forme, parce que tu nous parles en premier segment d'émission de tes impressions de Récit Récif, une performance de l'artiste montréalaise Lynn No, que t'as vue, en fait, au Mois Multi. Oui, c'est exact. Je l'ai vue le 1er février, la soirée où ce qu'on ouvrait le Mois Multi, dans le fond. Oui, la soirée d'ouverture. Exact. Ça a été quand même une super belle soirée, à mon avis, puis j'ai pu assister à ça dans les premiers moments. J'ai vraiment trouvé ça très cool, mais on s'en parle plus tard. OK, on s'en parle tout à l'heure. On continue par la suite, après ta chronique, avec une toute nouvelle chroniqueur, Valérie Giroux, qui, elle aussi, vient nous parler d'une installation qui est diffusée dans le cadre du Mois Multi, mais cette fois, c'est la carte blanche de Claudie Gagnon, une installation qui s'intitule « Ainsi passe la gloire du monde ». Et enfin, en troisième segment, on reçoit Maya Nguyen, une collaboratrice de longue date de l'aérospatiale, mais qui, ce soir, ne vient pas chroniquer, mais plutôt plugger la soirée « Quel commissariat pour le Mois Multi ». C'est une soirée qui s'intitule « Le retour du dragon » et qui se tiendra à la Charpente des Fauves le dimanche 11 février. Finalement, pour la sélection audio, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose de découvrir Toto Mori, un artiste suédois créant des pièces sonores inspirées de jeux vidéo imaginaires. On commence avec un premier extrait qui s'intitule « Strays ». Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin, metteur en ondes extraordinaire, mais aussi chroniqueur pour l'émission de ce soir. Mathilde, tu as choisi de nous parler d'un spectacle que tu as vu à la soirée d'ouverture du Mois Multi, comme on le mentionnait. C'était, j'imagine, à Méduse, dans la salle multi? Oui, c'est ça. C'était la salle multi à Méduse pour le Mois Multi. C'était vraiment... Multi-multi! Oui! C'est vraiment un beau trio. Mais oui, dans le fond, je suis allée voir ça dans le but de chercher quelque chose un peu à chroniquer, puis je suis arrivée un petit peu sur le fly comme ça, puis il y avait ça. Dans le fond, c'était une performance un peu installation aussi qui durait du 1er, du 2 et du 3 février. Trois soirs de représentation. Ouais, c'est ça. J'ai vu que c'était quand même une durée imposante, là, 2h30, 3h. Oui, quand même. Mais dans le fond, ça marche quand même bien avec leur système, je dirais, parce que c'est pas une grosse pièce en tant que telle, dans le fond. C'est plein de... Comment ils présentent ça? C'est genre des petites îles avec des scènes. Dans le fond, t'arrives là-bas et ils te donnent une carte que j'ai amenée ici en studio. On parle d'une carte topographique, là, avec des légendes, des indications, des chemins à suivre. Exact. Et sur cette carte-là, tu vas avoir des numéros, et ces numéros-là sont une île, une scène. Dans le fond, lorsque t'arrives là-bas, les gens, leur équipe de performeurs et de techniciens se disent, par exemple, « Ah, 260. » Puis là, 260, le monde prenne un sac marqué 260, il s'installe des lumières et la scène 260 start. Chaque numéro qu'on présente comme une île, une image un peu, je dirais, de performance, et ça dure pas très longtemps chaque île, genre ils ont tous des temps variés, et après ça ils ont comme un petit 2 minutes de préparation puis ils disent ok, 310. Puis est-ce qu'il y a plusieurs îles ou numéros qui sont performés en simultané ou c'est un à la fois? C'est un à la fois. Hmm. Dans le fond, au total, il y a 30 îles, mais la soirée que j'ai vue, c'était vraiment annoncé qu'il allait avoir 15 îles. Je ne sais pas si le nombre changeait dépendant des moments, mais je pense que c'est quand même précisé que sur 30 choses, on allait en voir 15. OK. Puis c'était que je ne sais pas si... Il y avait une partie aléatoire, peut-être, dans leur jeu. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'impression qu'ils étaient reliés à ce point-là. Chaque moment avait comme vraiment leur propre performeur, leur propre mouvement. Il y avait pas comme de lien entre les deux, à part la dernière île que j'ai vue, qui vient faire un petit rappel vocal de certaines îles qu'on a vues. OK. Mm-hmm. Un fil conducteur narratif, mais vraiment ténu, puis pas... tellement souligné. Donc, quelqu'un pourrait arriver en plein milieu puis trouver son compte. Ouais, dans le fond, c'est ça. Puis ce que je trouvais, pardon, ce que je trouvais intéressant aussi, c'était comment un peu c'était dialoguer aussi avec le public. T'arrives, ils te donnent la carte, puis c'est vraiment comme de quoi de un bel objet, je trouve, à voir. Moi, personnellement, je l'ai utilisé tout le long des soirées performance. À chaque fois qu'ils nous disaient un numéro, je l'encerclais, puis là, j'ai venu relier toute l'île après et tout ça. Fait que ça me donnait comme une espèce de petit schéma de ce qui se passait, comme si je parcourais aussi l'espèce de paysage avec eux autres, dans le fond. Dans le fond, chaque œuvre apportait aussi avec un espèce de sac de tissu et de vêtements. Ça, initialement, ça vient, je pense, d'une de leurs amies et costumières. Ah oui? Ouais, qui leur avait partagé ça. Puis ça, ça a initialement starté l'inspiration du projet. Un énorme comme garde-robe de... d'objets un peu de costumier puis de tissus. Avec ça, ils sont venus comme créer des espèces de sacs et ces espèces de îles-là ensemble. Donc, chaque sac avait un univers distinct. Mm-hmm. Est-ce que le titre « Récit et récif » t'est apparu comme clair, en fait? D'où sort ce titre-là? Est-ce que ça exprime bien l'univers qu'ils ont mis en place? Je pense que oui. Pour vrai, ça fait quand même sens à ma tête. Oui. Ben, récit, il y avait de quoi aussi un petit peu poétique là-dedans. À chaque petite pièce, il y avait une personne qui écrivait un petit poème que tu voyais sur certains écrans qui apparaissaient, comme des espèces de petits écrans cathodiques dans l'espace. On nous dit, en fait, dans la description qu'il s'agissait d'une série de 30 courts poèmes transposés en paysages mouvants. Mm-hmm. Donc, je pense que les poèmes étaient tous peut-être liés à certaines des îles. Ouais. Je pense que c'est ça qui ferait quand même sens. Mais oui, j'avais toujours comme une petite curiosité à en voir. C'est vraiment comme des petits poèmes simples, comme 4-5 phrases, qui étaient écrits comme un peu pendant le truc, on aurait dit. C'était pas directement paf, paf, paf. OK. Ouais. Il y avait certains moments que ça apparaissait plus lentement, je dirais. Fait que t'avais comme une espèce de... Tu voyais la performance, là, t'es comme « Oh, la télé a fait ça. OK. » Ouais. L'interaction avec les écrans, puis des performeurs et des humains qui posent des gestes, des actions et leur présence dans l'espace, des fois, ça se complémente bien. D'autres fois, c'est un peu distrayant. Mm-hmm. Est-ce que toi, ça te distrait ou plutôt ça l'a augmenté ton expérience? Oui et non, parce que dans le fond... Il y avait plusieurs types d'écrans dans cet univers-là, parce que, tu sais, c'est le mot multi, il y a de quoi un petit peu multimédia là-dedans aussi, tu sais. Puis, je pense qu'il y en a certains que je trouve que ça amenait des choses, des petits poèmes, comme les poèmes et tout ça. Des fois, il y avait des écrans que j'étais pas sûre si ça amenait tant beaucoup à l'histoire, je dirais, au récit. Mais des fois, il y en a qui c'était vraiment super intéressant. Un de mes préférés, c'était un peu comme une espèce de duel avec des gens qui portaient des habits un peu de judo, mais l'écran était, il y avait une caméra au-dessus d'eux autres qui filmait comme avec un espèce d'effet très lent, fait que tous les mouvements étaient comme super découpés au-dessus d'eux autres, puis en négatif, fait que tu mélangeais comme la personne qui était habillée en noir, la personne qui était habillée en blanc. Il y avait de quoi d'assez étrange, je dirais, dans cette espèce de regard-là, parce que t'as la réalité en face de toi. Puis l'écran te montre complètement autre chose que tu verrais pas habituellement. Mais oui, une vue de dessus, on voit jamais ça à l'œil nu, ou en tout cas rarement. Mm-hmm. Et puis de voir le mouvement redéployé dans la lenteur de cette perspective-là, ça doit être très intéressant. Tu sais, ça me fait penser que le spectacle était produit, je pense, par Recto Verso. Oui, je pense que c'était avec une résidence dans mes souvenirs. Ben, en fait, ouais. Leno, en fait, est artiste associé chez Recto Verso. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, l'artiste associé, mais en tout cas, elle a collaboré en d'étroite collaboration pendant plusieurs années avec Recto Verso. Mm-hmm. Donc, je pense que l'intégration dans ces installations de dispositifs de caméras, de rediffusion sur des écrans techno, et puis même d'installations participatives avec le public, ça a toujours fait partie de son travail. Est-ce que toi, tu penses que ce spectacle-là, cette performance-là, pourrait voyager puis être reprise dans d'autres salles ou dans d'autres contextes que le moi multi, où le public est vraiment averti et s'attend à avoir des propositions qui hybrident vraiment toutes sortes de médiums ou de disciplines? À mon avis, ça pourrait vraiment être intéressant de montrer ça, pas juste dans le contexte de là. Du moi multi, je pense que ça peut se vivre dans une idée de théâtre, de danse même aussi, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait aussi un peu un lien, une résidence avec l'Agora pour la danse aussi, avec ce projet-là. Fait que je pense qu'il y a de quoi qui peut vraiment bien se retraduire dans plein de types d'art aussi. Donc, dans d'autres contextes, avec des publics variés, j'imagine qu'il devait y avoir des familles, des enfants, des gens de tous les âges dans la salle. Ben, c'est la première soirée. Fait que je dirais que dans cet événement-là, c'était beaucoup, je pense, le monde des arts visuels qui venait comme pour voir les remerciements et tout ça. T'sais, c'était comme un peu, pas VIP, mais quand même du monde déjà un peu averti dans cet univers-là. OK. Alors, j'imagine qu'à la représentation d'après-midi, là, il devait y avoir de la famille. Ah, ouais. À mon avis, oui. C'était, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien se comprendre entre les âges et les différents types d'univers, à mon avis. Bon, alors, sur le site de Recto Verso, on peut voir des images tirées de ce spectacle-là. On peut voir des images sur le site du Moi Multi. On peut surtout voir le travail de Lino sur son site Internet, où il y a plein de captations, d'extraits vidéo du travail qu'elle a fait dans les dernières années, et suivre, en fait, ses prochaines propositions, ou même le voyage que le spectacle Récit Récif pourra faire dans les diverses organisations culturelles et festivals qui sont à venir. Mm-hmm. Merci Mathilde pour cette chronique. Ça fait plaisir. On s'en va en pause musicale. On écoute une prochaine piste qui s'appelle If Breath Catches Hold du groupe Sprout Pop, et on revient en retour de la pause avec Valérie Giroux. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay. Je suis accompagnée par Valérie Giroux. Bonsoir Valérie. Bonsoir Christelle. T'as sorti ta belle voix du dimanche. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je m'entends pas, par exemple. Mais on va t'organiser ça, mais sinon, enlève ton casque, voilà, parce qu'on t'entend très bien en ondes. Valérie, on a la chance, nous, de se connaître par nos études au métier d'art en sculpture, et je suis très heureuse que tu te joignes à l'équipe de bénévoles de l'émission, parce que j'ai envie d'entendre ta voix nous parler de ton regard, de ton appréciation des arts visuels. Bien, ça me fait plaisir. Je ne suis pas très, très, très expérimentée dans ce qui est d'avoir un jugement. Il ne s'agit pas de juger, sinon que de partager son point de vue. Ben ça, je suis bonne. Pour partager mon point de vue, j'en ai toujours un, puis je le dis, puis je m'excuse pas. Mais donc oui, aujourd'hui, si tu le veux bien, oui, ma belle Christelle, je t'écoute. Je vous parlerai de l'œuvre de Claudie Gagnon, donc qui s'appelle « Ainsi passe la gloire du monde ». C'est une installation qui est présentée dans le cadre, on le devine, du Moi Multi! Oui, c'est l'émission spéciale Moi Multi. C'est on Moi ne Multi. Parle que du Moi Multi ce soir. Exact. Donc, c'était dans les locaux d'Avatar. Puis, c'est présenté jusqu'au 11 février, donc dimanche. Ça vous tente d'aller le voir. Oui, dépêchez-vous. On vous le recommande, hein? Fortement. Donc, tout commence... moi, sur mon cellulaire, en fait, j'ai vu des photos de l'installation sur les réseaux sociaux, puis je te les ai tout de suite envoyées, Christelle, parce que ça mettait en place un espèce de grand buffet, une espèce d'imagerie qui me semblait vaguement familière, parce que j'avais assisté quelques mois auparavant à une performance d'une jeune artiste en sculpture qui avait fait l'œuvre, la performance bouche à oreille. Puis, quand tu m'as demandé, en fait, de faire une chronique sur celle de Claudie Gagnon, qui est une installation, pas une performance, bien, ça m'a fait plaisir, parce que ça m'a remémoré des très beaux moments de cette ancienne performance. Mais je suis vraiment contente que tu fasses le lien, parce que moi, j'étais habitée à ce moment-là par l'idée du festin et de la fête. Et puis, pour avoir vu l'installation que propose Claudie Gagnon dans sa carte blanche, on n'est pas du tout dans le festin ou la fête, non. Mais il y a quand même un esprit grandiose. Sûrement de la déchéance, là. Oui, on est plus dans la déchéance ou après la fête, peut-être. Oui. D'ailleurs, j'y pense, ça me fait penser que ça me rappelle un peu comme si on allait visiter le buffet d'un chapelier fou, mais qui aurait vieilli beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un chapelier. En tout cas, c'est une image que j'avais eue. Mais bref, quand on va voir L'installation, premièrement, on rentre dans une espèce de sas pour pas que la lumière pénètre dans la salle principale. Donc, on ferme la porte, on ouvre la prochaine, puis on est totalement plongé dans le noir. Puis, se révèle devant nous, dans la noirceur, cette immense table très, très longue avec une nappe noire sur laquelle est disposée un ensemble d'objets variés. C'est vraiment... Il y a une accumulation, là, il y en a. Il y en a, puis de toutes les sortes. Puis, moi, au premier instant, ça m'a tout de suite fait penser à cause du contraste de la lumière. Ça m'a fait penser un peu au style baroque, là. Ouais. Parce que quand j'étais allée, j'ai essayé de pas étudier ce que l'artiste faisait. J'ai essayé d'y aller comme vierge. Puis, c'est ça, tout de suite, j'ai vu des références un peu aux peintures très clair-obscures, là, ouais, que j'ai découvert par la suite qu'elle oui, utilisait oui. souvent. Oh oui, c'est une référence claire. Le Memento Mori, le Vanitas, toutes ces natures mortes-là de l'époque romantique qui ouais. permettaient de parler des profondeurs de l'âme. Je dirais plus baroque, là, ayant fait mon cours il n'y a okay. pas si longtemps. Mais OK, bon. OK. Alors, parlons de la table, la fameuse table. On y voit des fruits, des légumes, des biscuits, tantôt sur des coupoles en verre. Le verre est vraiment présent sur son installation. On a des fleurs fanées. On a beaucoup d'insectes naturalisés, qu'on dit. Puis, on retrouve aussi d'ailleurs un merveilleux livre de ce qui semble être biologie où on voit des illustrations de diverses mouches. Donc, les insectes, les références aux mouches qui nous font souvent penser à tout ce qui est en décomposition, c'est quand même bien présent. On voit énormément d'horloges, des horloges superbes qui sont placées sous des coupoles avec des roulements à billes dorés. Moi, j'ai vraiment aimé parce que ma grand-mère avait exactement les mêmes. Puis, on est plongé dans l'ambiance sonore de ce lieu-là, c'est les tic-tac des horloges. Mais quand on prête attention, parce que à un certain moment, j'ai voulu examiner chacune des horloges, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un rapport important avec le temps dans l'œuvre. Puis là, quand j'ai pris le temps de regarder chacune des horloges, j'essaie de me fier au son pour trouver chacune d'elles, mais le son ne vient pas des horloges. Exactement, il est amplifié oui. ou en tout cas diffusé sur une bande sonore à part. Il y a aussi un mécanisme rotatif au centre de la table qui fait tourner une des coupoles qui pourrait être un des émetteurs de son, mais le mystère demeure. Il y a beaucoup de mystères autour de ce... Moi, en fait, quand j'ai été dans sur ces lieux, voir cette installation, je me suis un peu sentie comme dans un meurtre et mystère. J'essayais de découvrir des indices, qui avait fait quoi, est-ce qu'il y a un coupable, qui est le coupable. Ça laisse place à l'imagination vraiment beaucoup, là, de se dire qu'est-ce qui a été mis en scène dans tout ça. Sinon, on a aussi un autre truc qui m'a marqué, l'omniprésence de pilules. On a beaucoup de pilules. Tout le temps des objets qui ont des symboliques très, très fortes. Là. Ouais. Il y a, par exemple, un objet que j'ai vraiment aimé, c'est un miroir. Puis autour, on a des petits codes circulaires. Ça semble être un artefact religieux duquel on a retiré les amulettes ou les représentations religieuses. Exactement, pour placer plein de pilules, médicaments différents, pas les mêmes. Et j'aurais donc aimé pouvoir tous les identifier. Mais j'ai trouvé cette installation-là, en particulier sur la table, vraiment, vraiment intéressante. Mm-hmm. Un truc qui m'a aussi surpris un peu, c'est peut-être à cause de mon expérience passée pendant ta performance. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de références à l'excès, mais... comme dans la fête, je cherchais des bouteilles de vin ou des... Non, pas du tout. J'ai vu des verres puis des contenants où il y avait de la glace figée qui ne fond jamais. Ben moi, là, j'ai osé mettre mon doigt. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais j'ai touché, mais c'est de la gélatine. Ah, j'ai tellement voulu! C'est tellement intelligent. Mais il y a des glaçons aussi. Oui, mais c'est pas des glaçons, c'est du plastique. Ah, t'as touché! Mais là, c'est parce que je pouvais pas... Je voulais absolument solutionner cette stratégie. J'étais tellement impressionnée! Cette stratégie de l'artiste, parce qu'on dirait de la glace figée dans le temps qui ne fond pas. C'est tellement beau, puis ça capture la lumière d'une façon tellement magique. Oui. Non, il n'y a pas de traces de fête, mais il y a beaucoup de traces et d'artefacts qui sont relatifs au corps. Oui. Il y a des cheveux. Ouais. On dirait des fonds de brosse à cheveux accumulés dans un grand vase. Oui, suspendu au-dessus aussi. Une sorte de fil accumulé. Mais tu sais, le travail de diffusion de la lumière est magnifique. On se sent enveloppé dans l'univers que Claudie nous offre à visiter. Puis peut-être tu vas nous parler de ce qu'il y a de particulier avec la table, en fait, qui se transforme. Oui, ben juste avant d'aller là, je voulais aussi dire que je pense que Claudie Gagnon, Madame Gagnon, aime beaucoup incorporer l'humour dans ses œuvres. Puis il y a beaucoup de petits éléments très, très, très, très comiques que je veux pas révéler parce que j'aimerais vraiment ça que les gens aillent sur place pour les découvrir. C'est, de toute façon, on a nommé à peine très, très peu d'objets qui étaient sur la table. Mais oui, à la toute fin, quand tu vas tout au bout de la table, tu te rends compte, en fait, que il y a un oreiller, puis cette nappe noire n'était pas une nappe, c'était en fait un drap, puis cette table n'est pas une table, mais bien en fait un lit. Puis là, il y a comme un shift qui se passe dans ton cerveau, puis là, ça te prend... c'est comme si tout ce que tu essayais d'analyser depuis le début fait plus le même sens. Exact. Ce qui est très agréable. Ben oui, parce que dans une œuvre comme ça, la noirceur, l'ambiance nous amène tout de suite à nous concentrer sur les détails. On veut tout voir ce qu'il y a sur la table, puis on prend pas de recul nécessairement pour porter une vue de perspective, puisque la noirceur nous en empêche. La lumière nous guide à regarder les petits objets. Ouais. Donc, la surprise de la table qui se transforme au bout de notre déambulation. Et vraiment, l'impact est là, la stratégie fonctionne. Oui, avec le miroir au bout, puis les miroirs qui sont placés aussi sur la table stratégiquement, puis des fois tu fais face à ton reflet quand t'es dans un moment d'analyse, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est une œuvre quand même assez ludique, malgré les thèmes très, très dark. Là. Oui, très lourd. Le rapport au temps, à la vieillesse aussi. Est-ce que tu accepterais, Valérie, de revenir au retour de la pause pour faire une conclusion à propos de la performance ou l'anti-performance qui a eu lieu lors du vernissage, du travail de Claudie Gagnon que je suis sûre que tu es allée découvrir par après? On pourrait faire un petit wrap-up comme ça au retour de la pause musicale. On écoute une prochaine piste qui vient encore de Sprout Pop qui s'appelle Non-Snow Forecast. Sprout Pop! Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Valérie Giroux à la chronique et Mathilde Hervé-Morin à la console. On avait une super belle discussion au sujet de l'exposition Carte blanche de Claudie Gagnon qui est présentée dans le studio d'Avatar au 5e étage de Méduse jusqu'au 11 février, on a jusqu'à dimanche. Et puis c'est ouvert, je pense, de midi à 20h et peut-être un peu plus tôt la fin de semaine. Donc il faut quand même prendre le temps de passer voir cette installation qui s'intitule « Ainsi passe la gloire du monde ». Tout à l'heure, Valérie et moi, on discutait du travail de Claudie Gagnon et tu nous avais mentionné, Valérie, que pour toi, il ne s'agissait pas d'une artiste dont tu avais vu le travail avant de voir l'installation. J'imagine que tu es allée vérifier un peu sur son site. Oui, je suis allée zioter. Est-ce que tu as trouvé des résonances, j'imagine? Oui, mais l'utilisation du verre qui revient beaucoup, le miroir, tout ce qui est, pas coutellerie, mais... Oui, les objets de la table. Puis les objets du quotidien, en fait. Oui. Ouais. Claudie, elle accumule beaucoup d'objets qu'elle glane, en fait, dans les brocantes, dans les débarras, sur les coins de rue. C'est une accumulatrice. C'est quelqu'un qui recycle énormément de matériel, mais qui va trouver des petits trésors, qui monte des collections de petits objets qui sont chargés de vécu, qui ont passé de main en main, qui ont une histoire. Oui, puis elle doit avoir aussi beaucoup d'intérêt pour les choses qui brillent, parce que j'ai aussi vu que c'est elle qui a fait le diamant, la sculpture, en fait, qui représente le théâtre du diamant. Oui, ouais, c'est Ludovic Bonnet qui l'a fabriqué, mais c'est une des œuvres d'art public qu'elle a fait, effectivement. Elle a aussi plusieurs de ses sculptures dans les musées. On parle de Menbach, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art de Joliette. Elle a occupé des studios à Paris, Mexico, financés par le Conseil des arts. Donc, c'est quelqu'un qui a une très, très belle carrière, qui a une longue carrière et qui est une femme autodidacte installée à Québec depuis très longtemps. Donc, c'est des parcours parfois atypique, mais très inspirant pour nous. Absolument. Les artistes qui s'inspirent du travail de ceux qui font devant nous des choses extraordinaires. Les pilules aussi, hein, reviennent beaucoup, le matériel médical dans ses œuvres, surtout les mobiles qui sont installés au plafond. Je voulais qu'on termine la chronique, Valérie, que j'ai complètement aucun problème. Moi, j'adore, c'est co-construit, j'adore ça. Alors, parce que le 2 février, dans l'installation, il y a eu ce que Claudie Gagnon appelle une anti-performance. Il y avait la présence d'un actant. Je pense que tu as son nom. Michel Marcoux. Bon, Michel Marcoux, c'est une personne qui ne se définit pas comme acteur ni performeur, qui a été invité par Claudie Gagnon et qui faisait une intervention, ou en tout cas des gestes. Il investissait de sa présence l'espace de l'installation. Et puis... il était miqué, donc il y avait une multitude de petits microphones attachés sur lui et il mangeait des chips, prenait ses médicaments, vivait son quotidien, faisait la lecture à voix haute, installé dans le lit qui était en fait la table. Mon Dieu, enfin c'est résolu. Et là, la salle était remplie de gens qui observaient ce temps ralentir avec cet actant-là dont le corps, le vieillissement, le rapport au temps venait vraiment donner vie à cette exposition. Je me demande si l'installation a été pensée pour accueillir cette action-là en particulier, parce que là, tout prend sens. Tout prend sens. C'est pour ça que je voulais le mentionner, L'enquête Valérie. L'enquête est résolue, en fait, voilà. Bon, ben, c'est ce qui termine notre chronique qui s'est étirée. On prend une courte pause publicitaire et on revient au retour de la pause avec la commissaire et notre amie ici à l'émission, Mai Nguyen. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, on est sur les ondes de CKRL 89.1. On est dans Limoilou. Et puis, Mai Nguyen vient d'arriver à la course. Oui. De chez elle, dis-moi. Toute fraîche. Il fait chaud dehors. Ah, c'est super. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Mai Nguyen vient nous parler du Retour du Dragon, une grande soirée que tu organises dans le cadre du Mois Multi. Dans le cadre du Mois Multi, grâce aussi à la contribution financière du Forum Afro-Jeunesse Québec. Yes. Oui, Afro-Jeunesse Québec, mais je suis asiatique. Yes. Mais ils avaient fait un appel ouvert à des personnes qui voulaient faire des événements pour les minorités visibles. Et c'est là que j'ai sauté sur l'occasion. Yes. Je me suis dit, il manque de quoi à Québec, puis c'est une maudite grosse célébration pour le Nouvel An lunaire. Oh! Fait que là, est-ce que... Bon, explique-moi donc, c'est quoi le Retour du Dragon? Le Retour du Dragon, c'est, au fond... il y a un nouvel an le nouvel an lunaire que les Asiatiques fêtent pour la plupart. Et à chaque année, c'est un nouvel animal qui arrive. Et cette année, c'est le dragon de métal. Au fond, la raison pourquoi on trouvait important de faire un événement comme tel, c'est que la dernière fois que le dragon était apparu dans les années, disons, les cycles de 12 ans, mais il y avait plein d'affaires qui étaient arrivées, tu sais. C'était chaud, là. Il y avait des événements, il y avait des trucs politiques qui se levaient. Puis là, on se disait, ah, après le COVID, me semble que ça ferait du bien qu'on se réunisse ensemble, qu'on se donne une deuxième shot pour recommencer de bon pied. Si le premier nouvel an, disons, occidental, régulier du 31 décembre, c'était mal passé, bien, on avait une autre chance. Alors, la soirée, ben, ça va être une grosse soirée qui va réunir la communauté asiatique, les gens tout court, en fait, intergénérationnel, il va y avoir des performances. Les artistes qui ont été invités sont des personnes de la communauté asiatique, de la diaspora asiatique. La plupart viennent de Montréal. C'est ça, je vous nomme les artistes qui sont ben excités à venir à Québec. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Nous avons Jolis de la Peña, une artiste de Philippines qui commence à vraiment rouler sa bosse depuis quelques années avec des festivals comme Hors Souterrain, à la Central Powerhouse justement récemment pour une résidence. Dans plusieurs festivals d'art vivant, son travail touche beaucoup à, disons, la honte. La honte, le public, qu'est-ce que les gens y reçoivent, comment eux y réagissent. Elle se met beaucoup dans des actions qui font mal au corps. Tu sais, elle se met vraiment à l'épreuve. C'est des affaires super physiques, super dans le long terme. Je vous dis pas plus que ça. Pour laisser le suspense aller. Comme deuxième artiste, on a Mi Van Damme. Fan fini. Moi, fan fini, hein. Ben, c'est parce que ça m'a tellement impressionné le travail qu'elle fait avec notamment Stanley Février autour de... Du code blanc. De l'investissement du calque, l'investissement de nos institutions avec une critique institutionnelle super forte, mais une posture tellement incarnée dans le corps, dans la représentation. En tout cas, super fan fini. Moi, j'ai capoté parce que je connaissais son travail depuis longtemps. Je la connaissais comme étant co-directrice de la Centrale Powerhouse à Montréal depuis 4 ans. Pas rien comme engagement, là. Vraiment pas rien, là. Quand elle était partie, c'était comme, ah ouais, qui va remplir ce poste-là maintenant? Et j'avais vu beaucoup de ses installations parce que, à base, Mie Van Damme travaille la sculpture, l'installation, le papier, le 2D, mais elle a un background de danseuse. Elle dansait dans le passé. Je savais pas. Elle a eu des cours de danse. C'est pour ça que sa présence est tellement forte. Exactement. Puis, la première fois que j'ai vu son travail qui intégrait des danseurs, des performeurs, j'ai fait, ah, il y a quelque chose là, tu sais, je pense que je pourrais l'inviter pour le Retour du Dragon, puis que là, cette fois-ci, elle soit la personne qui incarne son concept et tout ça. Alors, je suis bien excitée de la voir dans un contexte non à Montréal et elle-même qui fait ses actions. Et finalement, grande pointure... Star de Québec. Star de Québec, star du Canada au complet, Francis O'Shaughnessy, qui fait des performances depuis 2002, donne des ateliers de performance, a été le mentor de plusieurs personnes qui font de leur action au Québec. Il a représenté le Canada à tellement beaucoup de reprises en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. Il avait pris une petite pause pour plus de la photo et pour être professeur. Ben oui, on l'a vu l'année dernière, son travail photographique exposé au lieu, qui était très, très, très impressionnant. Mais oui, exact, parce qu'il fait de la photo argentique. J'ai oublié, c'est quoi, là? C'est comme de la photo humide. De la gomme, oui, collodion humide. Toutes ces affaires-là, là, il fait de quoi de vraiment très technique, parce que c'est un gros geek, tu sais, c'est un gros nerd. Puis là, ben... Il revient à Québec pour faire une performance. Puis ça, c'était une pause, je pense, de au moins 2-3 ans, là. Tu sais, mettons, quand il refaisait de la performance, c'était avec ses étudiants. Alors, il n'a pas refait une pièce depuis. Et là, je connais un gros patelin de Montréal qui descend juste pour voir Francis. Ça. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est là, ça. Dans le fond, toi, tu nous fais un tour de force commissariale. Ouais. C'est la première fois que tu commissaries un événement de performance dans le cadre d'un festival plus institutionnel et reconnu. Oui, pour un festival aussi, oui, absolument. Mais tu sais, ça, pour commissarier des événements de performance DIY, des affaires de même à l'extérieur. Depuis longtemps. C'est ça, depuis longtemps, j'ai roulé ma petite bosse, mais pour un gros truc de même, là, gros chapeau à Émile Beauchemin qui est le commissaire du mois multi. Exactement. Qui t'a tendu la main. Non, qui m'a tendu la main, oui, parce que je voulais louer une salle à la Charpente des Fauves, parce que je trouve que cet endroit est incroyable. Et il m'a dit, hey, tu sais quoi, ben on pourrait le fitter dans le mois multi. Yes. Puis là, j'ai fait, let's go. Yes. Parce que aussi, il y a le spectacle La Nuit sans tombeau. Attendez. Oui, les théâtres de l'Impie. Les théâtres de l'Impie qui sont à Charpente, qui donnent leur show jeudi, vendredi et samedi, je pense bien. Puis on trouvait que ça fitait bien comme un lendemain à cette soirée. On va changer, par exemple, d'univers, parce que ton intention commissariale, pourrais-tu nous en parler un peu? Tu nous as parlé du Retour du Dragon, ce que ça veut dire dans l'esprit des célébrations, des fêtes, en fait, asiatiques, de la communauté asiatique, mais ton intention à toi, avec le choix des artistes que tu as fait, avec le rassemblement, puis l'impact que ça va donner, le souffle que ça va donner à la communauté de l'art performance. Ben, c'était juste de faire péter un petit pétard, tu sais. C'était d'avoir un petit éclatement. Dans la ville de Québec, parce que ça manquait un petit peu de peps. Puis aussi, ça manquait un petit peu de présence asiatique, de visibilité. Ça manquait aussi un genre de regroupement intergénérationnel. Parce que, je mets une petite note à tout ça, il y aura des traiteurs asiatiques qui seront présents tout au long de la soirée, à contribution volontaire, avec de la bière, bien sûr, puis tout ça, là. Mais c'est ça, de la nourriture bien traditionnelle, un décor bien traditionnel. Puis on veut juste que tout le monde se parle un petit peu. Oh, wow! C'est ça. Fait que là, il y a une rencontre aussi qui va bien plus loin que l'interdisciplinaire qu'on voit souvent dans le cadre du mois multi. Mmh. On rencontre une communauté, des générations, des gens qui, par leur métier ou discipline, ne se seraient pas pointés à la charpente pour partager leur cuisine, leur spécialité. Leur joie aussi de voir qu'ils sont comme acceptés dans un milieu où c'est pas juste des Asiatiques qui vont être présents, mais aussi des personnes, tu sais, blanches etc., tu sais. C'est une affaire, je pense, que un genre de... On essaie de créer un tissu social un petit peu plus fort, disons. Wow. C'est ça qu'on essaie. Il va y avoir beaucoup d'enfants, il va y avoir des vieilles personnes. La raison pourquoi on a décidé que ça soit le 11 février, un dimanche, c'était aussi parce que le lundi, souvent les Asiatiques qui travaillent dans des grosses jobs de restauration ou d'épicerie, ils ont congé. T'sais, on pouvait pas mettre ça un vendredi soir ou un parce que un c'est samedi la, soir. Une journée de service, donc c'est la majeure ça. Partie des industries du service. C'est ça, travail. Des immigrants travaillent. Ben oui. Alors, tout ça est pensé pour que tout le monde puisse avoir un brin de plaisir. C'est pour ça que la représentation, c'est hot, parce que quelqu'un qui fait pas partie d'une culture ne peut pas réfléchir à comment cette culture-là a besoin d'être accueillie, invitée. Oui. Qu'est-ce qu'elle a à peut-être partager. Oui, absolument. Hey, Maï, félicitations. Bien, merci. Soyez tous là. On a tellement hâte. Oui! Bon, nous, on prend une courte pause musicale et on revient avec un agenda qui se destine à présenter des activités qui ne sont pas programmées au mois multi. Pour le mois multi, ben, vous savez où aller sur le site du mois multi. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique propulsée par Christelle Tremblay et Mathilde Harvey-Morin. Yes! On est sur les ondes de CKRL et on vous présente l'agenda de la semaine. Comme on le disait tout à l'heure, pour toutes les activités du mois multi qui bossent en plein, allez sur le site du mois multi, on a fait le choix de vous parler de quelques événements qui se déroulent à l'extérieur de la prog du mois multi. Donc, première chose à dire, il s'agit de la dernière semaine pour aller voir l'exposition Kwa Wei Yi d'Aïcha Bastien Ndiaye, de Craig Commanda et de Marie-André Gill, qui est au Centre d'artistes Wendat à Kwa Ya Onke, dans les espaces de vue à Méduse. Donc, c'est en montre jusqu'au dimanche 11 février. Parfait. Et ce jeudi à 17h, on a un vernissage de l'exposition Vanier Partiel, une invitation à découvrir le quartier Vanier à travers le regard artistique de 6 photographes ayant participé à des ateliers de création avec l'artiste Wartin Pantois. Une présentation de la Chapelle Spectacle, le Piolet et la Ville de Québec. Il y a vendredi aussi, le 9 février, en formule 5 à 7 à la galerie TNT, on vernit l'exposition E1 qui se déroule du 31 janvier au 1er mars 2024. Donc E1, E c'est pour éclectique. Ça présente le travail de 8 excellents artistes dont la pratique et la démarche artistique sont tous très différentes. Donc on parle de Félix Cano, Jiwan Larouche, Catherine McInnes, Peace Hier, Amer Rost, Sylvain Tapinck, Alexis Turcot et Caroline Turcotte. Ils forment tous un collectif éclatant. Ah, c'est une belle gang, ça. Ouais. Sinon, on a le lundi 12 février à 19h au cinéma Beaumont, VU et le Centre Aguagoké présente Cinéma autochtone des Amériques, une sélection de courts-métrages autochtones commissariés par Nicolas Renaud, suivi d'une discussion avec ce dernier, donc le lundi 12 février à 19h. Cette sélection de courts-métrages réunit les visions de cinéastes des quatre coins des Amériques, offrant un aperçu de la créativité autochtone des dernières années dans une diversité de formes cinématographiques. Aussi distincts soient-ils dans leur réalité géographique et culturelle, ces films témoignent une parenté d'esprit dans la proximité du rêve et de la réalité, une relation de réciprocité avec la terre et l'ensemble du vivant, et une résistance continue aux assauts du colonialisme. Nicolas Renaud est cinéaste, artiste visuel, professeur aux études autochtones à l'Université Concordia et membre de la Première Nation Huron-Wendat. Voilà, c'est 12$, il faut acheter des billets en ligne, puis en tout cas, ça a l'air intéressant. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web de l'aérospatiale sur WordPress. On est encore en difficulté avec la diffusion sur les plateformes de balado-diffusion, Spotify et autres. Ça s'en vient. On y travaille très fort. Le lien du WordPress va être disponible sur notre site Instagram et Facebook. Exactement. Donc, si vous suivez nos médias sociaux, vous allez pouvoir attraper le lien un peu vintage du WordPress, mais quand même efficace. Un grand merci à notre chroniqueur Valérie Giroux et à Mathilde Harvey-Morin pour son travail à la console, aux plateformes et puis à la chronique ce soir. On remercie surtout Maëlle Nguyen d'avoir fait la course depuis Limoilou jusqu'à nous pour venir nous parler de la soirée du dragon. On se voit tous à la charpente des fautes, dimanche soir, 11 février. À la semaine prochaine, au revoir!